Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit, là, tout de suite, avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Les hommes sont les seuls qui développent une habileté de la main de façon aussi systématique et aussi caractérisée. Les races supérieures renferment très peu de gauchers. Au contraire, la gaucherie serait fréquente chez certaines races inférieures. Cette semaine, genre et latéralité. Dans le monde parfait, dans la cité de Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas de gauche. En fait, tout n'est que droite. Dieu n'est que main droite, il n'y a que de la droite, en fait, au royaume céleste. Les minorités montent au créneau. Et si le monde est véritablement gaucher à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans un drame, eh bien, c'est parce que nous vivons esclaves de nos enfers. Un gaucher, lui, il préfère sa main gauche à sa main droite. Pierre-Michel Bertrand, nous arrivons à la haute époque de l'intolérance. On l'a déjà évoqué lors des émissions précédentes. S'il y a eu des moments où ça ne s'arrangeait pas, il y a vraiment une période où ça va être particulièrement délicat et on est dans le 19e siècle. A, B, C, Z. Parmi les phénomènes d'accélération de cette intolérance, et cela on ne les a pas encore évoqués, il y a la question de l'alphabétisation et de la scolarisation. Une fois quatre, quatre. J'en suis moi-même témoin, c'est vrai que l'école, il y a un certain temps, n'était pas des plus favorables dès qu'il s'agissait de l'apprentissage de l'écriture. Expliquez-nous, donnez-nous un peu quelques éléments pour comprendre à quel point cet étage de l'alphabétisation et de la scolarisation de la population va être pour les gauchers une période pas très sympa. Non, c'est vrai. En fait, le gaucher va se faire, c'est pas une mauvaise expression, mais il va se faire repérer dès lors qu'on va lui mettre une plume dans la main. On lui dit, tiens, voilà, mon garçon ou ma fille écrit. Ben, le gaucher, il va mettre ça dans sa main gauche. Contraire à l'usage. Il y a une façon de faire, c'est la façon du plus grand nombre, encore une fois, c'est le plus grand nombre qu'impose sa façon de faire, hein. Aussi bête que ça, et elle l'impose d'autant plus dans des situations symboliquement très engageantes, hein, comme l'écriture. Donc voilà, déjà, le gaucher, si vous voulez, l'écriture, il se fait repérer, déjà, d'une part. Donc l'alphabétisation des masses, hein, ça commence au XIIe siècle. La messification, c'est à partir du XVIe, XVIIe, mais après ça monte en puissance jusqu'au XIXe où on décrète l'école universelle et obligatoire. Donc le gaucher se fait repérer, on lui dit non, mon enfant, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça, tu mets ça dans ta main droite. Mais le problème, c'est que le gaucher, il est très maladroit avec sa main droite, donc il va très mal écrire, il va faire des pâtés, il va se faire repérer, il va se faire punir, il va avoir des mauvaises notes, etc. Donc si vous voulez, là, la vie commence terriblement à se compliquer pour le gaucher avec l'école. En fait, c'est l'école qui a marqué l'institutionnalisation de l'école, a sonné le glas de la tranquillité des gauchers. Et dès lors vont être inventés, vont être fabriqués, vont être peut-être industrialisés, toutes sortes de corsets tendant à empêcher l'élève en question, le gaucher ou la gauchère, de pouvoir utiliser sa main. Il y a quelques représentations d'images, c'est pas très sympa comme instrument, ça ressemble un peu à de l'instrument de torture. En effet, le gaucher, pour l'empêcher d'utiliser sa main gauche, bah, il y a une solution très simple, c'est qu'on lui attache la main gauche à la table, dans son dos, ou alors on la recouvre d'une chaussette, vous voyez, enfin, il s'agit de l'empêcher d'utiliser sa main gauche. Donc, par la coercition, comme ici, et même pas aussi par la brutalité, des coups de règle sur les doigts, des punitions, enfin bon, c'est assez terrible. Et quand on sait l'élan vital que peut représenter l'utilisation de sa main préférée, je veux dire, c'est tout bête, quoi. C'est comme respirer, si vous voulez, ou faire battre son cœur, voilà, quand on est gaucher, on utilise sa main gauche aussi naturellement qu'un droitier utilise sa main droite. Donc, empêcher un enfant d'utiliser sa bonne main, sa main préférée pour des choses aussi importantes que l'écriture, c'est l'éducation de bonsaï, c'est-à-dire que là, on dévitalise, on coupe, on couture, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste pour l'épanouissement psychophysiologique de l'enfant. Et le problème, c'est que donc cet enfant gaucher, et là aussi, hein, tout concorde, très franchement, tout concorde, on le voit, hein, dans les témoignages, ne souffre absolument aucune ambiguïté. C'est-à-dire que l'enfant gaucher, donc, il va se brasser braquer, il va faire des crises, il va devenir un mauvais sujet, on va lui faire des reproches d'être un garnement, etc. Et donc on va associer en fait la gaucherie, le fait d'utiliser sa main gauche, à des dérives psychologiques et délinquantes. Or, pas du tout. Le gaucher, à force d'être opprimé, d'être brutalisé, parce qu'on était vraiment dans de la brutalité à une époque, eh bien forcément, il se rebelle, il développe un caractère revêche, parce qu'il se défend, et il se défend d'autant plus qu'il ne comprend pas ce qu'on veut de lui. Lui, il utilise sa main gauche, c'est aussi brutal, aussi absurde qu'empêcher un droitier d'utiliser sa main droite, hein. Il faut vraiment prendre compte de cela. Et donc, il y a ce malentendu qui fait qu'on va, encore une fois, associer gaucherie et délinquance, gaucherie et criminalité. Or, pas du tout, c'est simplement une réaction. Il commença par me demander pourquoi on n'apprenait pas aux enfants à écrire également des deux mains. Un officier, me dit-il, un citoyen perd la main droite dans un combat ou par quelque autre accident, en a-t-il moins ses affaires à régler ou son bien à régir ? Que d'embarras n'aurait-il de moins s'il pouvait indifféremment écrire de l'une ou l'autre main ? Et pourquoi les hommes se permettent-ils de négliger ou même de proscrire une partie des dons que nous a fait la nature ? Car enfin, il est bien avéré que nos deux mains ont naturellement et originairement autant d'aptitudes l'une que l'autre à tous les exercices qui leur conviennent. La main droite n'a pas plus de privilèges sur la gauche pour opérer que l'œil droit pour voir ou l'oreille droite pour entendre. N'est-ce donc pas une maladresse très funeste et une sorte de mutilation condamnable que de ne pas exercer également nos deux mains aux différentes opérations auxquelles elles sont propres, et particulièrement à l'écriture ? Si dans notre éducation, on avait suivi le plan que j'indique, si en conséquence, on m'avait fait contracter l'habitude d'écrire tantôt d'une main et tantôt de l'autre, je n'aurais pas eu aujourd'hui la peine que j'ai éprouvée, celle d'apprendre à écrire de la main gauche à cause de l'état où la goutte me retient la droite. Et n'est-il pas cruel, à l'âge de plus de 60 ans, de me voir réduit à faire pareil apprentissage ? Pouvez-vous, monsieur, m'alléguer quelques motifs qui justifient la société de reproches que je lui fais ? Ou pensez-vous que l'on ferait bien de prescrire à tous les maîtres d'écriture d'enseigner toujours à écrire des deux mains ? Propos de Frédéric II. J'ai sous les yeux une invention, prothèse, destinée à imposer l'écriture de la main droite. Mon appareil, c'est M. Cazenave qui, en 1845, dit cela, consiste en un porte-plume. Alors effectivement, on voit un porte-plume, mais le porte-plume est armé. Alors le porte-plume, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une sorte de stylo, si vous voulez. C'est le stylo avant le stylo. C'est donc un porte-plume armé de deux vis de pression et de deux cercles en caoutchouc. Pourvu chacun d'une vis de rappel, cet appareil ainsi composé s'adapte parfaitement et sans gêne aucune, il ose le dire, aux trois premiers doigts de la main droite qu'il contraint à tenir la plume. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Dès lors qu'on vous a fichu ce machin-là autour des doigts, vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas lâcher la plume, vous avez la contrainte de l'écriture. Je peux vous garantir que quand vous avez l'image sous les yeux, ça ressemble véritablement à une camisole de doigts. Mais puisque vous nous dites, Pierre-Michel Bertrand, qu'effectivement, cette période-là, cette seconde moitié du 19e siècle est très peu tendre pour les gauchers, il y a deux exemples qui sont assez remarquables. C'est comment on a tenu du côté des gauchers criminels deux personnages, à savoir Billy the Kid et Jacques l'Éventreur. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, sur le territoire de New Mexico, un jeune garçon du Texas se rendit célèbre et redoutable par son habileté à manier les armes. Il est devenu le héros d'une véritable légende. Si nous avons parfois changé les noms, ou modifier l'ordre chronologique des faits, l'histoire, du moins, est authentique. Elle commence à Lincoln, État de New Mexico, le 11 juillet 1879. He killed 21 men. I don't want to kill you, Bill. No, I sure hope you don't, Billy. And he was just a kid. Billy the Kid. On parle de vous dans le journal. C'est que des mensonges. Mais ça n'a plus d'importance, vu que... j'en ai assez fait. Vous êtes Billy the Kid? Chaque éventreur volatilisé dans l'air, en de semblables circonstances, à la place des autorités, je me précipiterai à Baker Street. Here at last, the amazing authentic story of Jack the Ripper, the unknown killer whose mass murders shocked the world. On a Pierre-Michel Bertrand, deux méchants gauchers, ou tout au moins qu'on a présumé comme tels, Jack l'Éventreur à Londres et Billy the Kid dans le Far West américain. Alors, on a dit que c'était des gauchers, puis vous, vous nous dites c'est n'importe quoi. Ben, c'est-à-dire que, oui, alors j'ai fait un petit peu des recherches pour vérifier s'il pouvait être gaucher. Non, alors Billy the Kid, c'est absolument certain, ça repose sur une erreur, simplement un daguerréotype qui lui présente une arme du mauvais côté, et on a supposé qu'il était gaucher. Non, pas du tout. Parce qu'il y avait des affiches de lui, mort ou vif, évidemment, qui étaient partout dans toutes les villes. Voilà. Et effectivement, il se tient comme un gaucher, mais quand on regarde bien, en fait, la photo est inversée, le boutonnage de son veston est inversé. En fait, c'est une photo inversée. Donc, il y a un malentendu. Quant à, bon, Jack l'Éventreur, vous savez que le mystère reste entier. Je n'ai pas la prétention de le résoudre et de le percer. Mais il se trouve qu'on a ses écrits, on a ses manuscrits, on a les lettres qu'il envoyait à la police pour se vanter des choses qu'il faisait subir à ses victimes. Et on peut très bien, enfin, moi, j'y arrive très bien savoir si une lettre a été écrite de la main gauche ou de la main droite. Et donc, a priori, Jack l'Éventreur est droitier. Mais c'est surtout que si l'opinion publique a gardé l'idée, s'est persuadé que Jack l'Éventreur et Billy the Kid étaient gauchers, c'est qu'on est dans un contexte tout à fait défavorable à l'égard des gauchers. C'est-à-dire que tous les criminologues, et en premier lieu Lombroso, le criminologue italien du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, cette fameuse seconde moitié du 19e siècle, tous les criminologues sont persuadés que il y a plus de gauchers dans les prisons qu'il n'y en a dans la population générale. Et partant de ce constat très simple, ils en déduisent que l'utilisation de la main gauche, le fait de laisser libre cours à sa gaucherie, bah, ça vous transforme en criminel. Vous voyez, c'est une sorte de sophisme assez intéressant. Ce que disait Lombroso était une personne très en vue, qui a été lu, compris, apprécié et surtout répété en chambre d'écho par des dizaines de scientifiques dans tous les pays d'Europe. Gaucher et criminel, on va pas dire que c'est la même chose, mais en tout cas, ça a partie liée. La gaucherie favorise, il le dit, Lombroso, hein, il dit, je ne dis pas que tous les gauchers sont des criminels, hein, Dieu merci, mais il dit, mais je dis que ça favorise la criminalité que d'être gaucher. Voilà. Donc, vous pensez bien que, quand on a deux grands criminels comme Jack l'Éventreur et Billy the Kid, ben oui, forcément, ce sont des gauchers. On ne prête qu'aux riches, comme on dit. Voilà, donc on leur a prêté cette particularité physiologique. Pierre-Michel Bertrand, les gauchers vont-ils être inquiétés pendant les régimes de dictature, pendant les régimes fascistes ? Je n'ai pas de réponse à ça. Ce qui est certain, c'est que en fait cette ambiance en Europe dans la seconde moitié du 19e siècle était En fait, le discours à l'égard des gauchers était réellement, et là aussi je pèse mes mots, fascisant, en tout cas pas fasciste, mais fascisant. C'est-à-dire qu'en fait, on dénie à une catégorie, même pas une catégorie sociale, une catégorie, une variété de la nature humaine, on lui dénie le droit d'exister. Donc, et c'est vrai que tout ça va avec des discours quand même, avec l'eugénisme, mépris social. Nous sommes bien d'accord que l'intolérance se manifeste et se joue sur toutes les catégories, que ce soit donc politique, les femmes, et pourquoi pas les gauchers. Enfin, tout ce qui sort du rang, c'est vrai qu'une société, une dictatoriale, en effet, n'aime pas tout ce qui dépasse. Donc, a priori, le gaucher dépasse clairement, donc on va lui faire la guerre, oui. Mais bon, on a vu cet ostracisme et ces persécutions s'épanouir et proliférer dans des pays qui étaient de parfaites démocraties. Je m'adresse à tous les amis de la jeunesse et je les conjure de jeter un regard de compassion sur ma malheureuse destinée afin qu'ils daignent écarter les préjugés dont je suis victime. Nous sommes deux sœurs jumelles et les deux yeux d'un homme ne se ressemblent pas plus ni ne sont pas plus faits pour s'accorder l'un avec l'autre que ma sœur et moi. Cependant, la partialité de nos parents met entre nous la distinction la plus injurieuse. Dès mon enfance, on m'a appris à considérer ma sœur comme un être d'un rang au-dessus du mien. On m'a laissé grandir sans me donner la moindre instruction, tandis que rien n'a été épargné pour la bien élever. Elle avait des maîtres qui lui apprenaient à écrire, à dessiner, à jouer des instruments, mais si par hasard je touchais un crayon, une plume, une aiguille, j'étais aussitôt cruellement grondée. J'ai même été battue plus d'une fois, parce que je manquais d'adresse et de grâce. Alors, il est vrai que quelquefois ma sœur m'associe à ses entreprises, mais elle a toujours grand soin de prendre le devant et de ne se servir de moi que par nécessité ou pour figurer auprès d'elle. Ne croyez pas, messieurs, que mes plaintes ne soient excitées que par la vanité. Non, mon chagrin a un motif bien plus sérieux. D'après un usage établi dans ma famille, nous sommes obligés, ma sœur et moi, de pourvoir à la subsistance de nos parents. Je vous dirai en confidence que ma sœur est sujette à la goutte, au rhumatisme, à la crampe, sans compter beaucoup d'autres accidents. Or, si elle éprouve quelque indisposition, quel sera le sort de notre pauvre famille? Nos parents ne se repentiront-ils pas alors amèrement d'avoir mis une si grande différence entre deux sœurs parfaitement égales? Hélas, nous périrons de misère. Il me sera même impossible de griffonner une pétition pour demander des secours, car j'ai été obligée d'emprunter une main étrangère pour transcrire la requête que j'ai l'honneur de vous présenter. Daignez, messieurs, faire sentir à nos parents l'injustice d'une tendresse exclusive et la nécessité de partager également leurs soins et leur affection entre tous leurs enfants. Je suis, avec un profond respect, messieurs, votre obéissante servante, la main gauche. Pétition de la main gauche à ceux qui sont chargés d'élever des enfants, 1793, Benjamin Franklin. Pierre-Michel Bertrand, il y a eu, vous nous le disiez, une mode, et vous avez même parlé de mythe, de l'ambidextrie. Voudriez-vous nous raconter un peu de quoi il retourne ? L'ambidextrie, c'est quelque chose déjà qu'on découvre au XVIIIe siècle. Alors suite au, on a parlé là, Thomas Brown, quelques grands auteurs, quelques esprits acquis à la philosophie des Lumières, Benjamin Franklin et Frédéric II, par exemple, le roi de Prusse. Hein. Benjamin Franklin, qui est l'exact contemporain de Frédéric II, lui, il a une lettre très intéressante, une sorte de proposopopée, il fait exprimer la main gauche, il dit, voilà, il préconise aussi, il dit, mais si la main droite elle, se met à être défaillante, qui va l'aider, qui va y suppléer, en quelque sorte. Donc au XVIIIe siècle, vous voyez, il y a cette idée selon laquelle il faut favoriser la main gauche, non pas pour la défendre en tant que telle, non pas pour le défendre le gaucher, mais pour en faire un supplétif valable de la main droite. Donc c'est une belle idée, hein, très très libérale, et c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur à la toute fin du 19e siècle, après le, en fait à la charnière, hein, à la belle époque, hein, grosso modo 1900. aux États-Unis, notamment en Angleterre, hein, plutôt pays anglo-saxon. Chez nous, ça n'a pas tellement pris, en fait. Ces idées des Lumières, on les remet au goût du jour, et on préconise une éducation bimanuelle. Alors, des gens, ils sont bien connus, Charles Reed, John Jackson, et aussi Baden-Powell, le fondateur des scouts, hein, pensaient qu'en effet, il fallait rejeter ces préjugés qui faisaient qu'en fait, la main gauche était, en fait, c'était pas une main gauche, c'était une main balourde, elle savait rien faire, et un corps épanoui, mens sana in corpore sano, c'est un corps qui sait faire des choses avec aussi sa main gauche. Hein. Et c'est vraiment ça. Alors ça, c'est une vieille idée hein, qui date de l'Antiquité. Hein. Ils n'ont rien inventé. Hein. On trouve ça déjà chez Platon. Mais la mode de l'ambidextrie, c'est vraiment c'est une sorte de feu de paille. Ça dure une vingtaine d'années, 20, 30 ans au grand maximum, à la charnière du 19e et du 20e. Et vraiment, ce qu'on préconise, c'est cet usage équitable entre les deux mains. Alors c'est là que d'ailleurs que la bascule se fait, à mon avis, justement. Au début du XXe siècle, il y a une petite bascule qui se fait en faveur des gauchers, c'est-à-dire que le gaucher, en fait, eh bien, il devient l'égal du droitier, c'est-à-dire que lui aussi, il a, certes, il est hémiplégique, mais autant qu'un droitier. Et peut-être d'ailleurs, il est mieux qu'un droitier, parce que tous les gauchers ont, par la force des choses, ont développé une habileté de la main droite, alors que un droitier ne développe pas d'habileté de la main gauche, il n'a pas à s'en servir, donc la main gauche, elle devient vraiment, vraiment malhabile, bonne à rien. Mais le gaucher, lui, ben voilà, il est toujours un petit peu ambidextre. En fait, hein, d'ailleurs, hein, on sait très bien, un ambidextre, c'est un gaucher. Hein. Je pense que 100% des ambidextres sont des gauchers. Des gauchers qui ont su dompter leur main droite pour l'utiliser dans des bonnes conditions. C'est vrai que cette mode de l'ambidextrie est vraiment intéressante dans l'histoire des gauchers, parce que ça a un petit peu fait soupape de sécurité, ça a un petit peu relâché la pression. Et après, le XXe siècle, on a avancé tout doucement vers l'émancipation gauchère. C'est un long chemin, un peu chaotique, mais voilà, ça a commencé là, en fait. Pierre-Michel Bertrand, une étape importante qui est précédée d'une véritable tragédie va imposer un changement de la place du gaucher dans la société. Il s'agit de la Première Guerre mondiale, avec le nombre d'éclopé, et pas seulement au niveau des gueules, puisqu'il a existé les gueules cassées, mais les corps eux-mêmes, et particulièrement les bras et les mains, ont été aussi touchés, à tel point que on a publié des traités, dont un que vous mentionnez dans votre ouvrage « Histoire des gauchers », pour écrire de la main gauche, conseils pratiques. Eh bien oui, certains soldats, ils sont, on le pense, évidemment extrêmement nombreux, reviennent et sont désormais manchots. Ils ont perdu leur main favorite, leur main droite, et le nombre de gauchers devient, on l'imagine, infiniment plus nombreux qu'il n'était avant-guerre. Pierre-Michel Bertrand. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est tout à fait étonnant, et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé bien après mon histoire des gauchers, et dont j'ai pu accumuler de la documentation, et je confirme, hein, c'est évident et incontestable. Cette Première Guerre mondiale, en effet, a fait beaucoup d'estropiés, beaucoup d'éclopés, et donc il est revenu, en tout cas, plusieurs dizaines de milliers de jeunes gens, après la guerre, ils sont venus dans leur village, ils étaient devenus, on les appelle les nouveaux gauchers. Voilà, parce que, en effet, ils étaient partis droitiers, ils sont venus gauchers, enfin, gauchers par la force des choses, hein, ils n'ont plus qu'une main gauche. Et donc, il s'agit, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue réhabilitation sociale, de permettre à ces braves gens qui ont sacrifié leur jeunesse dans cette effroyable guerre, bah, de retrouver le chemin de la vie. Et en effet, la main gauche, on dit, bah, très bien, bah, écoutez, pas de souci, là, on change de fusil d'épaule, là aussi sans mauvaise blague, on dit pas de souci, vous avez une main gauche, et eh bien elle va travailler, elle est capable de travailler, et en effet elle y arrive très bien, cette main gauche, elle y arrive très bien. Et donc tout ce qui était interdit autrefois, c'est-à-dire que ces gens-là, et eh bien ils arrivent dans leur village, parce que la plupart, bien évidemment, on est encore une société très rurale, ils reviennent dans leur village, ils n'ont plus qu'une main gauche, donc à l'église ils se signent de la main gauche, alors que c'est complètement prohibé. Avant la guerre, on se signe de la main droite, hein, sinon c'est diabolique, hein, c'est dans les messes noires qu'on signe de la main gauche. Mais il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus de la religion. Ils se signent de la main gauche et personne ne trouve à y redire. Ils mangent en utilisant leur main gauche, ça se faisait pas. Ils serrent la main, on en parlait dans une précédente émission, ils serrent la main à leurs collègues, à leurs amis, à leurs voisins, en tendant la main gauche, voilà. Bon, bref, des vrais gauchers, quoi, des vrais gauchers. Et donc tout cela était absolument mal vu avant la guerre, et tout d'un coup, ça devient non seulement accepté, non seulement toléré, mais louangé. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, c'est le symbole, cette utilisation de la main gauche, c'est le symbole d'une dignité retrouvée. Et donc, la bascule, elle se fait très nettement. Autant avant-guerre, ben, le discours d'ostracisme envers les gauchers, le discours d'incompréhension est vraiment permanent, bon, sauf à part cette petite mode d'ambidex dont on a parlé tout à l'heure. Et dès 1918, dès 1920, bien, le discours se fait radicalement différent. On se dit, mais il n'y a pas de raison d'empêcher un gaucher d'utiliser sa main gauche. Ça marche très bien, en fait, cette main gauche. C'est-à-dire qu'on découvre l'eau tiède. On découvre l'eau tiède en 1920. C'est incroyable. On se dit, mais regardez, on peut très bien écrire de la main gauche. Et on publie des petits livres pour apprendre à écrire de la main gauche. Incroyable, quoi. C'était impensable 10 ans avant. Impensable 10 ans avant. C'était vraiment, là aussi, là, on était dans l'interdit absolu. Eh bien non, pas de souci, écrivez de la main gauche, tout va très bien. Le germe a pris, et plus rien ne sera jamais comme avant. Alors ça va mettre beaucoup de temps à vraiment entrer dans les mœurs quand même, hein, parce que vous savez, l'inertie sociale, elle est terrible. Ça va aller vite dans les pays anglo-saxons, nous, chez nous, beaucoup plus longtemps. Enfin, beaucoup plus longtemps, on va prendre encore une trentaine, une quarantaine d'années quand même avant vraiment de décider que à l'école, les gauchers, on va les laisser tranquilles. Voilà. Mais il est clair que la Première Guerre mondiale, c'est le point de bascule. C'est vraiment un point de bascule évident et massif, hein, parce que j'ai fait des sondages là, dans les archives, j'ai essayé de calculer. Je suis, à mon avis, on est au-dessus de 100 000 jeunes gens qui, après-guerre, reviennent, 100 000 donc nouveaux gauchers qui se disséminent dans la France, ce qui est quand même gigantesque. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a des documents que maintenant qu'on trouve sur Internet, il y a des dispensaires, il y a des lieux où on apprend aux mutilés de guerre à revivre, à retrouver leur travail, notamment retrouver le travail à la ferme. Et ce qui est incroyable, et je ne m'attendais pas à ce point d'avoir confirmation de mes calculs, c'est que 2 amputés du bras sur 3 gauchers. Et ça s'explique très facilement, c'est-à-dire que quelqu'un qui perd, un droitier qui perd le bras gauche, et ben il peut retourner à la vie civile assez facilement, il s'adapte, hein, mais il a toujours sa main droite, il peut écrire, il peut faire tout ce qu'il faisait avec la main droite, mais tandis que celui qui devient le nouveau gaucher, ben il faut qu'il reprenne tout. Et donc on les voit, mais par dizaines, par grappes, dans les documents d'archives, des archives militaires qui sont maintenant accessibles, c'est tout à fait frappant. Le nombre de nouveaux gauchers dans ces dispensaires-là est vraiment impressionnant. C'est une toute autre minorité qui prendra le relais dimanche soir sur RTS2. Vous avez rendez-vous avec le nouveau documentaire d'Histoire vivante à l'occasion du cinquantenaire de la Gay Pride. Retour sur l'origine de cette manifestation, la rébellion de Stonewall. En effet, ces nuits d'échauffourées à New York en 1969 sont considérées comme la naissance du mouvement pour les droits des gays et des lesbiennes aux États-Unis. Ce qui s'est passé à Stonewall était totalement inédit. 50 ans après, on considère Stonewall comme le début du militantisme homosexuel, voire carrément comme la naissance de la communauté gay telle qu'on la connaît aujourd'hui. J'étais à Sheridan Square quand soudain, j'ai vu toute cette agitation. Et dans la foulée, des gens se sont mis à jeter de l'essence à briquet sur la façade du Stonewall. Dans mon esprit, c'est à ça que devait ressembler la Révolution française. Pourquoi ça a dégénéré dans ce bar, ce soir-là? En partie parce qu'il était fréquenté par des noirs, des drag queens et des transsexuels qui ne voulaient plus se laisser marcher sur les pieds. Ce documentaire de Mathilde Fassin est à voir dimanche soir sur RTS2.